Envolée, mais où est-elle? Où est-elle? Où est-elle? Je l'ai perdue dans la forêt, la forêt, la forêt, la forêt. Mais où est-elle? Où est-elle? Où est-elle? Vais-je un jour la retrouver? Retrouver, retrouver, retrouver.